Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. La science CQFD, Natacha Triou. Pour ce vendredi grand portrait, on se creuse les méninges et on rencontre un psychologue, neuropsychologue et neuroscientifique, Francis Eustache, est notre invité. Comment les expériences traumatiques s'impriment-elles dans notre cerveau? Du point de vue cérébral, que se passe-t-il? Comment le souvenir nous permet-il de réfléchir sur notre place par rapport au monde présent? Depuis les années 70, Francis Eustache se pose ces questions et cherche à construire de nouvelles sciences de la mémoire. Il est à la fois le témoin et l'acteur des grandes évolutions en neuropsychologie de ces dernières décennies. Francis Eustache, se rafraîchir la mémoire. Francis Eustache, bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue, docteur en psychologie et spécialiste de l'imagerie cérébrale. Vous dirigez des recherches au sein de l'INSERM à l'université de Caen et vous êtes également professeur à l'école pratique des hautes études. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous qui nous écoutez. En complément d'écoute, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter chaque jour pour notre live tweet où nous postons toutes les sources qui ont nourri cette émission. C'est dès maintenant @sciencesqfd. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de où en sont nos connaissances sur la mémoire, de comment vos travaux contribuent à faire évoluer cette compréhension. Mais pour bien comprendre comment notre façon de concevoir cette mémoire a évolué, on commence avec une tentative de définition par le médecin Pierre Barbizet. Nous sommes en 1968. La mémoire, c'est la faculté d'apprendre, de retenir et d'utiliser des informations. Chez l'homme, on peut penser que ce qui va différencier un enfant d'un autre n'est pas son bagage anatomique de son cerveau, mais les chances d'apprentissage qu'il va avoir dans la vie. Car c'est bien là le facteur essentiel, c'est le milieu extérieur, son milieu ambiant, sa famille, ses éducateurs qui vont donner à l'enfant tout ce qu'il sait. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de mémoire? Il y a plusieurs stades dans la mémoire. Par exemple, je viens de vous dire quelque chose. Vous êtes capable d'en résumer l'idée, mais vous êtes, je pense, pas capable de répéter mot à mot ce que je viens de dire. Eh bien, vous avez cependant, pendant un temps assez court, retenu simultanément 5 à 6 informations pour les lier aux 5 à 6 autres suivantes, et ainsi de suite. Et on donne le nom de mémoire immédiate à cette faculté de retenir pendant un temps très court des données, qu'elles soient verbales ou visuelles, afin de les accrocher aux suivantes pour arriver à élaborer une structure plus vaste qui sera, elle, le support de la mémoire, mettons, à long terme, c'est-à-dire sur le support de l'événement que vous retiendrez. Voilà, une réaction à cet archi, Francis Eustache. Est-ce que cette définition a énormément changé en quelques décennies? Alors, c'est une définition qui est intéressante, bon, qui a une cinquantaine d'années. Donc, il y a les grandes constantes, à savoir que c'est intéressant parce que le premier mot qui est utilisé, c'est « possibilité ». Donc la mémoire, elle rend possible ou pas possible si ça fonctionne un petit peu moins bien qu'on le voudrait. Et on voit les grandes étapes. La mémoire, ça permet d'acquérir quelque chose. Donc il y a cette phase qu'on appelle d'encodage parfois. Ensuite, il faut maintenir cette information pendant un temps plus ou moins long. Et puis ensuite, il faut pouvoir la récupérer. Donc ces trois étapes qui sont essentielles, et donc quand on réfléchit à la mémoire, quand on travaille sur la mémoire, on réfléchit à l'articulation entre ces différentes étapes, si elles fonctionnent bien, si elles fonctionnent moins bien, pour des raisons très diverses. Et puis il y a déjà la notion du lien avec l'extérieur, la famille, l'éducation. Alors, ça c'est intéressant. Il y a bien sûr le cerveau, mais qui est juste esquissé. Pourtant, Pierre Barbizet était neurologue. Et puis ensuite, il y a les différents types de mémoire. Alors, c'est peut-être là que les choses ont le plus évolué, parce que là, Pierre Barbizet parle juste d'une mémoire immédiate et puis ensuite d'une mémoire à long terme. Donc aujourd'hui, on a plutôt tendance à fractionner encore plus les différents types de mémoire. Mais disons que dans l'ensemble, c'est une définition qui reste d'actualité. Qui reste d'actualité, mais on va voir comment elle s'est justement affinée, cette définition. Francis Eustache, vous venez de l'évoquer, quels sont aujourd'hui les différents types de mémoire possibles hein? Quel est le modèle de fonctionnement de la mémoire qu'on enseigne aujourd'hui aux étudiants? Alors, évidemment, il y en a plusieurs. Mais il y a toujours cette grande distinction entre une mémoire, Pierre Barbizet disait immédiate, aujourd'hui on va plutôt parler d'une mémoire de travail, parce que c'est pas une mémoire qui est passive, c'est une mémoire en fait qui est extrêmement active. C'est maintenir l'information du temps présent, du moment présent, mais c'est en même temps la manipuler, la mettre en relation avec des informations antérieures que l'on avait déjà dans notre mémoire à long terme. Et puis c'est déjà aussi anticiper l'avenir. Donc la mémoire de travail, c'est tout ça. C'est un moment, mais qui est un moment extrêmement actif et qui va permettre de sélectionner des informations pour en maintenir certaines, pour les intégrer à des connaissances que l'on a déjà ou à des souvenirs que l'on a déjà formés antérieurement. Donc, vous voyez, c'est pas simplement une information qui passe et puis qu'on saisirait comme ça. Donc ça, il y a cette mémoire de travail qui est omniprésente. Et puis ensuite, il y a différents systèmes de mémoire à long terme. Alors, il y a des mémoires relativement rudimentaires, mais qui sont très importantes, comme les mémoires perceptives. On maintient des images, on forme des images qui vont nous permettre, par exemple, de nous repérer dans notre environnement familier pour venir au travail le matin, sans se poser des questions. Et avec toute une économie cérébrale, à savoir que on a des systèmes de mémoire qui fonctionnent presque de façon automatique. Par exemple, conduire la voiture, si je reprends l'exemple de venir au travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris. On sait le faire. Donc on sait faire les actions nécessaires pour que cette mémoire se mette en place. Et puis, j'ai envie de dire, au-dessus de ça, on utilise des systèmes de mémoire qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus élaborés, comme les connaissances sur le monde, donc ce qu'on appelle la mémoire sémantique, et puis peut-être tout au sommet de la hiérarchie, ce qu'on appelle la mémoire épisodique, qui est la mémoire qui nous permet de former des souvenirs d'un événement particulier, situé dans le temps, situé dans l'espace, avec tout un contexte. Et puis une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a placé ces mémoires, j'ai différencié 5 grands types de mémoires. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ça se modifie au fil du temps. La mémoire n'est pas une fonction statique et c'est peut-être sa grande complexité, enfin, ce qui la rend aussi fascinante à étudier, c'est que c'est une mémoire qui se transforme en fonction de l'environnement, qui se transforme aussi autour de nous, et puis en fonction de nos propres aspirations, nos désirs, de ce qui s'est passé la veille, mais aussi de ce qu'on anticipe. Alors pour revenir sur ce système de mémoire, on parlait de mémoire perceptive, mémoire sémantique, mémoire épisodique. Sur cette mémoire sémantique, qui elle est une mémoire plus sophistiquée, vous dites c'est la mémoire des connaissances générales sur le monde. Francis Eustache, on dit souvent aux enfants, t'arriveras pas bien à mémoriser ça si tu ne l'as pas compris. Est-ce que ça signifie qu'un encodage est plus solide s'il fait sens? Pour revenir justement sur cette mémoire sémantique. Oui, c'est exactement ça. Les enfants sont très doués pour solliciter cette mémoire sémantique. Les petits enfants de 18 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils sont pas très très bons pour former des souvenirs. Leur cerveau n'est pas encore totalement habilité à former de vrais souvenirs. Ils vont former de ce qu'on appelle une mémoire événementielle, avec des bribes en fait de souvenirs un petit peu disparates. Mais par contre, ils sont très doués pour apprendre. Et pour les aider à apprendre, il faut effectivement faire en sorte qu'ils puissent bénéficier d'un environnement qui soit favorable, c'est-à-dire des informations qu'ils aient le temps de traiter en profondeur, c'est-à-dire de comprendre le sens, et puis avec un environnement affectif qui soit également de qualité, parce que l'émotion est importante, il faut qu'il y ait un certain niveau d'émotion, de plaisir en l'occurrence, le plaisir d'apprendre, Mais il ne faut pas que cette émotion soit non plus exacerbée, pas non plus qu'elle soit négative, parce que là, les apprentissages seront gênés. Donc, la mémoire, c'est à la fois une fonction cognitive. Vous voyez, il y a un aspect presque arithmétique dans ce qu'on apprend, mais tout cela doit être entouré d'un environnement affectif de grande qualité. Et ça, c'est très important, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les relations avec les camarades, et puis que ce soit dans le contexte de l'école, bien évidemment. On parle de ces mémoires procédurales, perceptives, sémantiques, épisodiques. Épisodique, c'est donc cette mémoire des souvenirs, c'est elle qui nous permet donc de voyager dans le temps, dans le passé, mais aussi dans le futur. Et pour introduire cette notion de mémoire du futur, je vous propose un extrait de votre ouvrage, « Les nouveaux chemins de la mémoire », coécrit avec Béatrice Desgranges, aux éditions Le Pommier en 2020. La naissance du concept de mémoire du futur dans les neurosciences modernes vient de l'étude de patients amnésiques, tels que Ken Cochran, alias Cassé. Ce patient, qui avait été victime d'un grave accident de la voie publique, ne se souvenait pas des événements de sa vie, mémoire épisodique. Mais sa mémoire des faits et des concepts, sémantiques, était intacte. Cette dissociation a permis à Handel Tulving d'établir que ces deux systèmes de mémoire étaient distincts. Cassé était capable d'acquérir de nouvelles connaissances et d'accéder à ses connaissances antérieures, datant d'avant son accident, mais il ne pouvait pas forger de nouveaux souvenirs, ni accéder à ses souvenirs du passé. Tulving a aussi montré que ce patient éprouvait de grandes difficultés pour se projeter dans le futur, comme le montre cette discussion avec lui. « Que ferez-vous demain ?»« Je ne sais pas. » »« Comment décririez-vous votre état d'esprit lorsque vous essayez d'y penser ?»« Vide. » C'est comme être dans une pièce vide, où quelqu'un vous demande de trouver une chaise, mais il n'y a rien. C'est comme de nager au milieu d'un lac, rien à quoi vous pouvez vous raccrocher. Quand on vous pose des questions sur votre passé et qu'on vous pose des questions sur votre futur, vous n'arrivez pas à vous projeter ni dans un sens, ni dans l'autre. Cassé est étonné par ce constat, mais c'est ainsi que certains patients amnésiques vivent dans un présent permanent. Ce qui est très surprenant dans cet extrait, Francis Eustache, c'est que quand on pense à la mémoire, on a plutôt tendance à se tourner vers le passé et pas vers le futur. Oui, c'est l'image que l'on a de la mémoire. La mémoire, elle nous permet de nous souvenir d'événements du passé. C'est peut-être tout le génie d'Handel Tulving, dont vous venez de citer une citation via le livre que j'ai écrit avec Béatrice Desgranges. C'est un peu son génie d'avoir porté attention à cette discussion. Avec ce patient Ken Cochran. C'est intéressant parce que ça met aussi le doigt sur la spécificité de notre discipline, la neuropsychologie, qui correspond à la rencontre entre un clinicien-chercheur et puis un patient. Alors, tous les patients amnésiques n'ont pas l'intensité des troubles de mémoire de Ken Cochran, mais ce qui est intéressant dans cet entretien, c'est qu'on voit l'importance des troubles de mémoire. Ken Cochran a pratiquement oublié tout son passé. Il a oublié, c'est-à-dire qu'il a formé des souvenirs de son passé, puis ensuite il les a oubliés. Il ne peut pas former non plus de nouveaux souvenirs. Par contre, il a conservé ses connaissances du passé, les connaissances générales, y compris sur lui-même, ce qu'il faisait, etc. Il sait qui il est. Et puis, il est encore capable, c'est peut-être ça le point le plus surprenant, il est capable de former de nouvelles connaissances. C'est-à-dire que l'histoire de Ken Cochran, c'est le début des années 2000, il y a des concepts nouveaux, par exemple le sida, Internet, des choses qui n'existaient pas auparavant. Et Ken Cochran peut avoir une discussion sur ces concepts nouveaux. Donc, on voit que sa mémoire sémantique fonctionne. Par contre, il n'a pas, pratiquement plus de mémoire épisodique, c'est-à-dire qu'il ne forme pas de souvenirs. Et en même temps, donc il ne peut pas se projeter dans son passé. Et en même temps, et ça c'est une notion extrêmement nouvelle, on voit qu'il ne peut pas non plus se projeter dans le futur. C'est-à-dire qu'il a ce voyage mental, en fait, cette capacité que l'on a, extraordinaire. La mémoire épisodique, c'est en fait une capacité de voyager mentalement. dans le temps. En fait, il a perdu cette capacité de voyage mental dans le temps. Et c'est très important de prendre conscience de ça quand on s'intéresse aux patients amnésiques et quand on a à les prendre en charge, de comprendre cette dimension de la mémoire, parce que c'est évidemment essentiel. La personne se retrouve vraiment dans un présent immédiat. Vous dites que la mémoire du futur est encore plus importante que la mémoire du passé. Comment concrètement peut-on se souvenir de demain? Comment on peut évaluer cette mémoire prospective? Alors, elle est très importante parce qu'en fait, si on fait un peu d'introspection, quand on se réveille le matin, enfin, quand on sort un peu de du sommeil, qu'est-ce qu'on fait? On pense à ce qu'on va faire dans la journée. En fait, ce qui nous préoccupe, c'est bien sûr s'il y a un événement lourd la veille ou si on est dans une période où on est tracassé par quelque chose, on va avoir ces pensées qui vont nous revenir. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'agir justement pour répondre à cette situation. Et donc on voit bien ce jeu entre ces informations qui nous viennent du passé, ces souvenirs aussi qui nous viennent du passé, parce que peut y avoir des événements précis, mais surtout, et peut-être ce qui est le plus important, c'est comment on se décide à y répondre. Donc on voit que cette mémoire du futur, c'est plus qu'une mémoire en fait, c'est ce jeu, ce voyage incessant, mais c'est aussi une prise de décision, c'est l'exploration de différents scénarios possibles pour y répondre. Donc c'est une des grandes fonctions qui nous permet de nous adapter à l'environnement, donc c'est une partie de notre libre arbitre, bien entendu en relation aussi avec d'autres, parce que dans ce voyage mental dans le temps, très vite on va rencontrer d'autres personnes et on va essayer d'évaluer aussi la place de ces différentes personnes. Donc on voit apparaître à partir d'une mémoire qui était peut-être une conception de la mémoire qui était un peu réduite à la mémoire du passé, on voit en fait un jeu beaucoup plus complexe de voyage, certes vers le passé, mais vers le futur et vers les autres. Du point de vue du cerveau, Francis Eustache, qu'est-ce qu'un souvenir finalement? Alors, du point de vue du cerveau, une autre difficulté de la mémoire, c'est qu'on peut l'analyser à différents niveaux. Il y a bien sûr le niveau neurobiologique, j'ai presque envie de dire très basique, d'échange de protéines au niveau des synapses. Les synapses sont l'espace qui relie deux cellules nerveuses, notamment deux neurones qui vont nous intéresser ici. Alors, il y a toute une partie qui est très importante des neurosciences qui s'attache à comprendre ces relations, hein, ce qui se passe dans cet espace entre les différentes cellules nerveuses, à la fois sur le plan biochimique, sur le plan électrique, etc. Donc il y a toutes ces neurosciences qui sont évidemment très très importantes. Et puis il y a d'autres façons de voir qui sont complémentaires, qui vont s'intéresser plutôt aux grands systèmes de mémoire, aux différentes régions du cerveau, comment elles communiquent entre elles, comment elles se spécialisent. Donc là, on va avoir une vision d'ensemble du cerveau, avec les grands lobes cérébraux, différentes structures, comme par exemple les hippocampes. Les hippocampes sont des structures qui font à peu près 8-10 cm de long, qui se trouvent à la face interne des lobes temporaux. Et si on revient aux amnésiques, ce sont des régions souvent qui sont lésées chez les patients amnésiques. Par exemple, le patient Kissy, Ken Cochrane, avait des lésions des hippocampes, c'est ce qui l'a rendu comme ça amnésique. Et c'est l'imagerie cérébrale qui a permis depuis une trentaine d'années de beaucoup mieux comprendre le rôle de ces différentes régions du cerveau, parce que on peut les voir s'activer en proposant des tâches à des personnes, à des groupes de sujets, faire ensuite des statistiques. Enfin, c'est tout un travail sur le plan scientifique qui est très important. Donc ça a complètement changé notre compréhension du cerveau, à la fois du cerveau chez le sujet sain, que ce soit l'enfant, la personne qui grandit, la personne qui vieillit avec des modifications au cours du vieillissement. Et puis, bien entendu, ça a révolutionné notre compréhension de différentes pathologies, notamment les maladies neurologiques et psychiatriques. Justement, comment imaginer, comment cartographier la mémoire? À quoi ressemble un souvenir dans un cerveau? On vous raconte dans quelques instants les apports de l'imagerie cérébrale ou la révolution de l'IRM. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. Vous écoutez France Culture et nous nous entretenons tout au long de cette heure avec Francis Eustache, neuropsychologue, docteur en psychologie et spécialiste de l'imagerie cérébrale. Nous venons de redéfinir un peu ensemble ce qu'est la mémoire humaine. Maintenant, quelques mots sur votre parcours, Francis Eustache. Vous avez commencé votre carrière à la fin des années 70 comme neuropsychologue au CHU de Caen. Vous faites partie de cette génération qui a assisté à la révolution de l'IRM. Avant cette innovation technologique, on peut peut-être rappeler comment se faisait l'étude de la mémoire. L'étude de la mémoire, bon, il y avait les aspects biologiques. Bon, c'était des travaux surtout chez l'animal. Et puis, chez l'homme, en fait, comment on connaissait la mémoire? On la connaissait par les pathologies de la mémoire. On constatait des déficits de mémoire chez des patients. Et puis, soit à l'autopsie, soit avec les premiers scanners, eh bien, on avait une idée, mais encore très imprécise, des régions du cerveau qui étaient responsables des troubles. Par contre, visualiser le fonctionnement de la mémoire, il a fallu attendre l'imagerie cérébrale fonctionnelle pour commencer à avoir vraiment une idée du fonctionnement de l'ensemble du cerveau pendant différentes activités de mémoire. Oui, c'est ça, c'est que l'imagerie a été très richement utilisée pour des contextes pathologiques, mais aussi pour des contextes sains, et ça a été une avancée majeure pour la compréhension des mécanismes de la mémoire. Oui, alors ça a commencé dans les années 1990 avec une technique qui s'appelle la tomographie par émission de positons. C'est une technique en fait d'imagerie médicale, de médecine nucléaire, qui a été un petit peu détournée, si vous voulez, de sa fonction première par des neuroscientifiques qui l'ont utilisée pour visualiser l'activité du cerveau pendant différentes activités, des activités extrêmement diverses, qu'elles soient d'abord sensorielles, motrices, et puis ensuite cognitives, donc le langage, la perception, et puis la mémoire. Alors, dans un premier temps, on a conforté, disons, des connaissances que l'on avait déjà, par exemple le cerveau gauche et le langage, vous voyez, des choses assez simples comme ça, et puis progressivement, les techniques se sont raffinées, se sont précisées. On a utilisé aussi des paradigmes d'évaluation de la mémoire, en l'occurrence beaucoup plus précis. Et là, on a fait des découvertes importantes, c'est-à-dire qu'on a montré que, eh bien certes, les hippocampes, par exemple, étaient impliqués dans la mémoire épisodique, mais en fait, pour former un souvenir, il fallait beaucoup plus de régions cérébrales qui se synchronisent, qui se coactivent pour former un souvenir, pour récupérer un souvenir. Et là, on a eu une vision beaucoup plus précise, beaucoup plus complexe, de la fonction mnésique. Oui, vous écrivez qu'il existe une asymétrie cérébrale pour les mécanismes de mémoire. Oui, alors ça, c'est encore le grand neuropsychologue Endel Tölving que vous avez cité tout à l'heure, qui a montré ça, le premier. C'était aussi dans les années 90 avec la tomographie par émission de positons. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Les amnésiques ne nous avaient pas permis de montrer cela, à savoir que les mécanismes d'encodage en mémoire, c'est-à-dire quand on mémorise un souvenir, c'est plutôt le cortex préfrontal gauche qui est impliqué, et quand on récupère une information, c'est plutôt le cortex préfrontal droit. Parce que chez un amnésique, c'est très difficile de différencier si la pathologie, en fait, est dépendante plus d'un problème d'encodage, plus d'un problème de récupération. En fait, on constate le trouble de mémoire. Et donc, on n'avait pas pu différencier ces mécanismes de façon aussi précise qu'avec l'imagerie cérébrale, où on visualise, en fait, l'activité du cerveau pendant ces différentes étapes de l'activité mnésique. Il y a encore une quinzaine d'années, on ne savait pas du tout ça. L'imagerie de la mémoire humaine, vos travaux, Francis Eustache, portent là-dessus. Mais au départ, quand vous commencez votre carrière, vous vous intéressez à quoi? Au début de ma carrière, en fait, moi j'étais neuropsychologue hospitalier. J'ai travaillé à la fois dans des services de neurologie et de psychiatrie, à la fois à Paris et à Caen. Et c'est un domaine qui me passionne toujours. Et puis, il se fait qu'à Caen, puis en lien avec des équipes de la Salpêtrière, aussi à Paris, j'ai connu en fait les tout débuts de l'imagerie cérébrale. À Caen, c'est un centre de recherche qui existe toujours, qui s'est beaucoup développé, qui s'appelle Cicéron. C'est Cicéron avec un C-Y, c'est une référence à un cyclotron, parce que le début de l'imagerie cérébrale, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est de la médecine nucléaire, donc il faut fabriquer des radioéléments. Donc la tomographie par émission de positons, c'est une technique qui existe toujours, qui qui permet de faire de l'imagerie à la fois fonctionnelle, de comprendre par exemple la consommation de glucose du cerveau, et puis ça permet également maintenant d'étudier des biomarqueurs, par exemple d'étudier les plaques amyloïdes dans la maladie d'Alzheimer. Vous voyez, ce sont des techniques qui se sont diversifiées. Et puis, comme vous le disiez, il y a eu aussi une technique qui a révolutionné les choses, c'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, parce qu'elle est beaucoup plus souple d'utilisation que la tomographie par émission de position, qui est quand même une technique très, très lourde. Et donc, l'IRM nous a permis de faire beaucoup plus de paradigmes d'activation, de comprendre aussi ce qui se passe au repos quand la personne, quand on lui demande de pas d'activité particulière. En fait, c'est une situation qui est très importante, le fait de pouvoir rentrer dans ses pensées. Et là aussi, la mémoire est impliquée quand on rentre comme ça dans ses pensées. C'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Le réseau du mode par défaut, c'est quand notre activité mentale, en fait, se tourne vers nos propres états mentaux. Et on, en quelque sorte, on pourrait dire qu'on rebat les cartes. C'est des moments de synthèse mentale qui sont extrêmement importants, à la fois pour notre équilibre psychique et puis pour la consolidation de nos mémoires de façon générale. Est-ce que l'IRM nous a permis de comprendre plus précisément donc comment la mémoire s'imprime dans le cerveau ? Alors, elle a permis de mieux comprendre les différentes étapes lors de l'encodage, lors de la récupération, et puis peut-être le moment le plus énigmatique, le moins bien compris encore, c'est tout ce qui se passe justement entre l'encodage et la récupération. Parce que la mémoire, c'est une fonction extrêmement dynamique et peut-être que la question principale, c'est comment ces connaissances, ces souvenirs se modifient au fil du temps. Pourquoi on est capable de récupérer des informations qui vont être importantes pour nous, de les mettre au contraire à l'arrière-plan, parfois pendant des années, et de les récupérer à nouveau si l'environnement s'y prête ou si, pour des raisons qui tiennent à notre trajectoire de vie, nous avons besoin de ces informations à un autre moment. C'est ça le côté qui reste mystérieux et qui distingue fondamentalement la mémoire humaine, la mémoire vivante, des mémoires artificielles. Sur ces mystères, comment se fait-il que certains événements s'impriment plus que d'autres ? Est-ce que ça, on le comprend, Francis Eustache ? Alors ça, c'est une dimension nouvelle des études sur la mémoire. C'est le fait qu'aujourd'hui, donc il y a certes l'évolution de la psychologie, de la neuropsychologie, des neurosciences, mais il y a aussi un lien qui se tisse et qui est extrêmement intéressant avec ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, l'histoire, la sociologie, différentes, l'anthropologie, qui évoluent évidemment dans leur domaine, dans leur relation avec la mémoire, dans la compréhension des mémoires collectives. Et disons que ces évolutions, d'une part neurosciences, d'autre part sciences humaines et sociales, ces connaissances sont restées étanches. C'est ce qu'on appelle la clôture disciplinaire, même si de temps en temps, il y avait des chercheurs de part et d'autre qui s'intéressaient aux travaux des autres. Le résultat est quand même, en tout cas jusqu'à une date relativement récente, le résultat, ce sont vraiment des travaux qui sont restés étanches. Et une évolution très intéressante, me semble-t-il, mais qui est très récente, qui date d'une dizaine d'années, ce qu'on appelle le tournant social dans l'étude de la mémoire, c'est que de plus en plus, on prend conscience, hein, on le savait, mais on le mettait pas à l'épreuve, que l'humain est un être social et que bien sûr nous avons une mémoire individuelle, nous avons chacun une mémoire individuelle, mais que cette mémoire individuelle, elle est imprégnée par la mémoire des autres. Et que ce que l'on apprend, on l'apprend parfois seul, quand on lit un livre, on lit le livre seul. Mais en fait, la plupart de nos encodages, la plupart de nos apprentissages, nous les faisons en interaction avec d'autres. C'est la dimension communicative, interactive de la mémoire. Et peut-être encore plus dans le monde actuel qu'il y a quelques siècles. Donc, ces aspects-là sont très intéressants à comprendre sur un plan fondamental, mais pas uniquement au plan fondamental, sont aussi des connaissances qui ont des retentissements, y compris sur le plan clinique, qui sont extrêmement intéressants. Et Et c'est un domaine de recherche aujourd'hui particulièrement actif. Et cette dimension sociale, cette mémoire collective, on va en parler dans quelques instants. Mais pour revenir sur pourquoi certains événements s'impriment plus que d'autres, il y a aussi, de façon générale, l'émotion qui vient amplifier l'encodage, de façon à ce que les souvenirs perdurent plus longuement également, Francis Eustache. Alors, le lien entre la mémoire et l'émotion, c'est un lien qui est très fort. Mais qui n'est pas linéaire. C'est pas un lien qui est linéaire. Il y a d'abord, disons, on a plus de chances de mémoriser un souvenir, le souvenir d'un événement qui se passe, si la situation est émotionnelle, de façon générale, si elle est plus fortement émotionnelle, que ce soit une émotion positive, que ce soit une émotion négative. Donc, dans un premier temps, statistiquement, disons, les choses sont relativement linéaires, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point où l'émotion est intense. Je perçois, par exemple, j'apprends qu'il y a un événement qui vient de surgir. Alors, je peux prendre des exemples collectifs très marquants. Par exemple, le 11 septembre aux États-Unis, le 13 novembre. Des événements comme ça très importants. Je suis loin de ces événements. J'apprends, par exemple, via les médias, ces événements. Donc, je suis surpris. Je perçois les conséquences potentielles de ces événements. Je suis également ému parce que je vois qu'il y a des conséquences chez des personnes, des conséquences dramatiques chez des personnes. J'en parle autour de moi et je vais mémoriser ces informations. Je vais mémoriser le contexte dans lequel j'ai appris ces informations, même si c'est un contexte totalement banal. Je suis en train de faire une activité totalement banale chez moi, dans ma cuisine. Vous voyez, des choses que je mémorise pas habituellement. Donc là, on arrive en fait au point le plus fort de l'encodage. Et puis ensuite, il y a une autre situation où cette fois-ci, je suis directement confronté à l'événement qui est un événement traumatique, pour les exemples que j'ai pris. Et là, l'impact de l'émotion va être un impact potentiellement négatif sur le fonctionnement de la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a trop d'émotions, en quelque sorte. Il y a trop d'émotions. Et ça se manifeste sur le plan neurobiologique par également un certain nombre de mécanismes qui font que le lien entre les structures cérébrales qui sont impliquées dans les émotions et les structures cérébrales qui sont impliquées dans la mémoire, donc j'ai parlé tout à l'heure des hippocampes, ce lien se fait beaucoup moins bien. Il y a en fait un dysfonctionnement de la relation entre ces structures impliquées dans les émotions et ces structures impliquées dans la mémoire. Si bien que la personne qui est directement confrontée à l'événement traumatique va avoir un encodage qui va être modifié, qui va être même dans certains cas profondément perturbé. Et pour les souvenirs traumatiques, on insiste alors à une distorsion de la mémoire. Comment mieux comprendre, comment mieux soigner les blessures psychiques et les souvenirs traumatiques et comment s'articule mémoire individuelle et mémoire collective? Restez avec nous. The American Brand, The Brain, sur France Culture, car nous entretenons avec Francis Eustache, neuropsychologue, docteur en psychologie et spécialiste de l'imagerie cérébrale. Nous venons de parler des grandes avancées des neurosciences, de la révolution, de l'imagerie cérébrale avec l'IRM et de votre parcours au sein de ces révolutions, Francis Eustache. Vous, dans votre unité de recherche, vous travaillez sur le syndrome post-traumatique. On peut définir un peu plus précisément ce qui se passe cérébralement dans le cas d'un trouble de stress post-traumatique. Alors, un trouble de stress post-traumatique, c'est d'abord une personne qui se trouve confrontée à un événement traumatique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui va développer un certain nombre de symptômes. Le cœur des symptômes étant ce qu'on appelle des intrusions, c'est-à-dire des pensées, des images, souvent très sensorielles, très émotionnelles, qui s'imposent à la conscience de la personne. mais qui sont différentes d'un souvenir, parce qu'un souvenir, il est contextualisé, il est construit, il a le temps, il a l'espace, il y a les différents événements qui sont bien reliés les uns par rapport aux autres, alors que les intrusions, ce sont des éléments disparates, qui ne sont justement pas contextualisés, et qui vont s'imposer à la conscience de la personne qui a été victime de ce traumatisme. Et en s'imposant à la conscience, la personne a l'impression que l'événement est à nouveau présent. Alors que le souvenir, on l'a vu tout à l'heure quand on a parlé du voyage mental dans le temps, donc un souvenir, on a l'impression de le revivre, mais on sait qu'il fait partie du passé. Donc on a aussi l'émotion, on a le plaisir de retrouver une scène particulière, mais on sait que c'est le passé. Donc ça, c'est la grande différence du souvenir traumatique avec beaucoup de guillemets, parce que vous voyez que c'est en fait pas un vrai souvenir. Et puis il y a un autre élément, un autre symptôme qui est aussi très très fréquent chez les patients qui souffrent de troubles de stress post-traumatique, c'est l'évitement. Alors l'évitement, c'est le contraire en quelque sorte des intrusions. La personne a conscience qu'elle est envahie par ces intrusions et elle va essayer de se protéger au maximum de ces intrusions, donc en évitant toutes sortes de situations qui peuvent rappeler peu ou prou la source de l'événement traumatique. Et cette protection exacerbée, en quelque sorte, va entraîner à son tour des symptômes et la personne va se fermer, va se couper en quelque sorte de son environnement. Et vous venez de le dire, le souvenir traumatique est vécu comme quelque chose au présent. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome de reviviscence. Oui, c'est le syndrome de reviviscence. On utilise ce terme pour qualifier, disons, la présence des intrusions qui sont vraiment le cœur du trouble de stress post-traumatique et qui envahissent la conscience de la personne qu'on va appeler un blessé psychique, parce qu'on voit bien que ces intrusions, elles maintiennent cette blessure présente. Est-ce que ce syndrome de reviviscence s'atténue au cours du temps ? Alors, on peut dire que statistiquement, quand on prend les grandes données épidémiologiques, oui, mais c'est malheureusement pas le cas. Il y a aussi de grandes différences d'un individu à l'autre dans le devenir de ces troubles de stress post-traumatique, avec des personnes d'ailleurs qui ne vont pas développer ce trouble de stress post-traumatique. Parce que pour parler de troubles de stress post-traumatique, il faut que l'on observe ces symptômes pendant plus d'un mois. Et donc, certaines personnes vont développer un stress aigu après avoir vécu un événement extrêmement envahissant, comme ça, un événement traumatique extrêmement envahissant. Et puis, au bout d'un certain temps, au bout de quelques jours, ces éléments, disons, vont disparaître, ou en tout cas vont être mis à l'arrière-plan. Et puis, chez d'autres personnes, au contraire, malheureusement, ces symptômes vont durer des mois, voire des années. Francis, ce stage, peut-on envisager de réparer des souvenirs traumatiques ? Comment peut-on enrayer ces souvenirs-là ? Alors déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup dans l'unité de recherche, notamment en suivant toute une cohorte de personnes qui ont été victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et que l'on revoit dans mon laboratoire à intervalles réguliers. Donc c'est ce qu'on appelle le programme 13 novembre et une partie de ce programme qui s'appelle Remember, donc qui est mené ici à Caen par un jeune chercheur qui s'appelle Pierre Gagnepain, un chercheur de l'INSERM. Donc ce sont des travaux qui sont extrêmement importants parce qu'ils nous ont permis de comprendre les mécanismes cérébraux qui sont à l'origine du trouble de stress post-traumatique ou au contraire qui sont à l'origine des mécanismes de résilience, c'est-à-dire ce qui va permettre de mettre le trouble de stress post-traumatique à l'arrière-plan. Donc ça, la description de ces mécanismes physiologiques ou physiopathologiques dans le cas de la pathologie, c'est évidemment extrêmement important et ça a été décrit pour la première fois dans notre unité, dans un grand article qui a été publié dans la revue Science il y a maintenant 2 ans. Alors ça, c'est la description des mécanismes. Et puis l'autre facette, c'est pourquoi certaines personnes qui vivent le même événement, que ce soit dans le Bataclan, que ce soit sur les terrasses, qui ont été mitraillées, que ce soit aux abords du Stade de France, comment ces personnes qui vivent exactement le même événement, bien, en fait, adoptent des chemins différents, le chemin de la pathologie dans un cas, le chemin de la résilience de l'autre. Alors là, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Alors ça fait partie aussi de nos travaux. Il y a comment les personnes ont réagi immédiatement, hein, ce qu'on appelle la période péritraumatique, c'est-à-dire juste avant, juste après l'événement traumatique. Et en France, nous avons la chance d'avoir les CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologique, qui jouent un rôle extrêmement important parce que ce sont des personnes extrêmement bien formées, des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux qui interviennent et qui permettent comme ça de modérer l'intensité émotionnelle post-traumatique, juste après le traumatisme. Il y a ces éléments-là qui sont très importants. Puis ensuite, il y a l'évolution. L'évolution, bon, il y a évidemment beaucoup de facteurs, je peux pas tous les détailler là, mais ce qui est très important, hein, ce qui ressort des études, de nos études, mais également d'autres études par ailleurs, c'est tout ce qui va être, disons, du ressort du soutien social. Alors, le soutien social, c'est bien sûr les aspects médicaux, les psychothérapies, etc. Quand vous parlez du soutien social, c'est ce sur quoi vous travaillez, c'est-à-dire les thérapies d'exposition. Alors, il y a les aspects thérapeutiques. Donc, les thérapies, c'est donc des thérapies qui sont menées par des spécialistes, des psychiatres, des psychologues, qui vont. Alors, il y en a différentes formes. Mais disons que le principe général, ça va être de mettre la personne en confiance. Ça, c'est très, très important. Ensuite, de faire en sorte que la personne rappelle d'une façon ou d'une autre ce qu'elle a vécu. Ça peut être par écrit, ça peut être lors d'entretiens, etc. Et ensuite, de faire en sorte de diminuer la puissance émotionnelle de ce souvenir traumatique. Donc, il ne s'agit pas, surtout pas, de gommer le souvenir lui-même, ce qui entraînerait d'autres difficultés, mais c'est de gommer son poids émotionnel pour faire en sorte que ce souvenir traumatique, en fait, devienne un souvenir comme les autres, hein, j'ai envie de dire. Alors, il sera jamais tout à fait comme les autres parce que il a entraîné une telle répercussion dans la vie de la personne qu'il sera jamais un souvenir comme les autres. Mais c'est de le faire en sorte qu'il s'intègre dans la narration de la personne. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de se raconter. C'est ce qu'on appelle la narration autobiographique, c'est qui je suis. Donc voilà, je suis né à tel endroit, j'ai fait mes études à tel endroit, j'ai fait ceci, ceci, cela. Donc je me raconte. Et ce qui m'est arrivé dans le cadre de cet événement tragique, eh bien ça prend sa place dans cette narration autobiographique. Donc le but de ces thérapies d'exposition, c'est de faire en sorte que le souvenir traumatique ne prenne pas toute la place dans cette narration autobiographique qui va du passé au futur. Hein, il y a aussi cette dimension d'un futur qu'il faut aussi reconstruire, parce qu'un blessé psychique... En fait, ce qui caractérise un blessé psychique, c'est que cette mémoire traumatique va prendre toute la place. Et il n'y a plus de place pour le passé, il n'y a plus de place pour le futur. Et donc, ces thérapies d'exposition, elles jouent ce rôle. Mais il y a aussi la dimension dans le soutien social du soutien des proches, hein, qui jouent un rôle important, du soutien des collègues, des amis, et puis de la reconnaissance sociale de façon plus générale quand il s'agit d'un événement à grande échelle, comme le 13 novembre, pour reprendre l'exemple du 13 novembre. Donc c'est très important que toutes les personnes se sentent reconnues par la société. Et par exemple, quand on dit le 13 novembre, c'est le Bataclan, vous voyez, c'est un raccourci qui, en quelque sorte, va mettre de côté des personnes qui n'étaient pas au Bataclan, mais qui étaient sur les terrasses ou qui étaient aux abords du Stade de France. Donc je pense que c'est très important que l'on comprenne ces différentes dimensions du soutien social. En pensant bien sûr aux thérapies, hein, ça c'est le rôle des soignants, mais que l'on pense également au soutien social avec ses différentes strates. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. Vous Vous écoutez France Culture et nous continuons de nous entretenir avec le neuropsychologue Francis Eustache. Nous avons parlé des grandes avancées des neurosciences, de la révolution de l'imagerie cérébrale, de notre compréhension du syndrome post-traumatique. La dernière grande rupture dans cette histoire des neurosciences, Francis Eustache, c'est l'irruption des sciences sociales dans ce domaine. Oui, je pense que c'est quelque chose de, qui était presque inimaginable il y a quelques années. Et nous avons eu la chance à Caen, grâce à un travail qui a été mené notamment avec le Musée Mémorial de Caen. C'est un travail qu'on a entrepris avec Denis Péchanski, qui est un historien de la Deuxième Guerre mondiale et qui est le président du conseil scientifique du Musée Mémorial de Caen. Bon, moi, je travaille à Caen, je dirigeais le centre Cicéron quand on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. Et on a entrepris des recherches alors en sciences sociales, qui était un partenariat avec l'INA, avec l'Institut National de l'Audiovisuel, où on a pu mettre en relation, dans le cadre d'une expérience à la fois de psychologie et de neurosciences, d'imagerie cérébrale, qui utilisait l'IRM, on a pu montrer que des personnes qui visitaient une salle du Musée Mémorial de Caen, qui s'appelait 1942, guerre mondiale, guerre totale, eh bien, quand il s'agissait de souvenirs, quand ces personnes voyaient des images du Musée Mémorial de Caen, et quand ces images correspondaient à des situations qui étaient entrées dans la mémoire collective, et ça, nous l'avons vérifié avec des données qui venaient de l'INA, qui venaient en fait de 40 années de journaux télévisés qui avaient été numérisés. Vous voyez, c'est une technique assez complexe de lexicométrie. Et en fait, quand ces personnes qui visitaient le Musée Mémorial de Caen étaient en contact avec des informations qui étaient entrées dans la mémoire collective, eh bien, ces informations étaient davantage rappelées quand les personnes venaient à Cicéron et étaient donc dans l'IRM, on enregistrait à ce moment-là l'activité de leur cerveau. Et ce qu'on a pu montrer, donc c'est un travail qui a été publié dans Nature, il y a 2 ans maintenant, ce qu'on a montré, c'est que ces représentations collectives de la Deuxième Guerre mondiale avaient une certaine marque cérébrale, c'est-à-dire qu'elles activaient certaines régions du cerveau, en particulier dans les régions antérieures du cerveau. Donc, c'était comme si on visualisait pour la première fois les représentations cérébrales de la mémoire collective. Alors, c'est un travail fondamental, mais qui est très important pour la suite, parce que ça nous montre que nous avons certes des mémoires individuelles, mais que ces mémoires individuelles, elles sont imprégnées par les mémoires collectives qui s'impriment autour de nous. Vous voulez dire qu'en fait, il est impossible d'appréhender pleinement cette mémoire collective si on ne prend pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire, mais aussi les dynamiques historiques, sociétales? Alors, c'est une rencontre. Bon, j'ai évoqué le travail qu'on a fait avec Denis Péchanski, qui est historien. Moi, je suis neuropsychologue. Je représente plus la mémoire individuelle. Mon parcours, c'est plus un spécialiste de la mémoire individuelle, alors que Denis Péchanski, c'est un spécialiste de la mémoire collective. Et en fait, c'est deux disciplines qui se rassemblent, hein, qui commencent à communiquer. Je pense que ça permet vraiment de toucher à une nouvelle science de la mémoire qui est en train de s'inscrire, où effectivement, ces deux approches deviennent indispensables. Parce que ma mémoire individuelle, en fait, elle est tributaire de la communication avec les autres, de la vie dans une certaine culture. Et de l'autre côté, quand on s'intéresse aux sciences sociales, on ne peut pas faire l'impasse sur les mécanismes des mémoires individuelles qui, à leur place, vont contribuer à la formation des mémoires collectives. Alors, ça ne veut pas dire que les mémoires collectives n'ont pas leur propre évolution. Il y a bien sûr des dimensions sociales dans ces constructions culturelles qui transcendent l'individu, mais il y a sans arrêt, tout de même, ces mémoires partagées, ces mémoires communicatives qui font que les unes irriguent les autres. Ce travail que je viens de citer avec le Musée Mémorial de Caen, c'est une des premières grandes recherches, et notamment avec l'utilisation d'imagerie cérébrale, qui matérialise en quelque sorte ce rapprochement. Oui, parce que l'autre gros projet, le projet important dont vous nous avez évoqué le nom tout à l'heure, c'est le programme 13 novembre que vous avez mis en place avec Denis Pachanski, cet historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Et là encore, c'est un projet pour nous permettre de comprendre la construction des mémoires individuelles et collectives. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet et ses questionnements initiaux? Alors, la genèse du projet, c'est d'abord les travaux que nous avions menés au début des années 2010-2012 avec le musée mémorial de Caen, où nous avons en fait commencé à travailler ensemble, où nous avons harmonisé les concepts, les méthodologies. Nous avons eu aussi l'opportunité de travailler avec un psychologue américain, William Hurst, qui avait travaillé sur le 11 septembre. Donc, on a pu travailler avec lui sur différents corpus de questionnaires qu'il avait envoyé à des Américains pendant une dizaine d'années. Donc tout ça, c'était un regard, en quelque sorte, de la construction des mémoires, mais en regardant vers le passé. Et puis, il y a eu cette année tragique 2015. Il y a eu d'abord janvier 2015, souvenez-vous, Charlie Hebdo, Hyper Cacher, Montrouge. Et là, on a rencontré un certain nombre de collègues épidémiologistes de Santé publique France qui avaient mis en place une étude qui s'appelait Impact, donc sur l'impact épidémiologique de ces attentats de janvier. Et puis, il y a eu le 13 novembre. Et le 13 novembre, on a eu la chance d'être soutenu par nos organismes, à la fois le CNRS et l'INSERM, et puis par les pouvoirs politiques. Et on a pu très vite, très très vite, j'insiste sur ce point, c'est-à-dire c'était le 12 avril 2016, mettre en place ce grand programme 13 novembre qui vise à comprendre la construction à la fois des mémoires individuelles, y compris de personnes qui ont été au plus près des attentats, donc des mémoires individuelles et des mémoires collectives, avec différents outils que l'on a pu utiliser, notamment le CREDOC, qui est un grand organisme qui permet de faire des sondages, des enquêtes d'opinion, et on a ces différents marqueurs de façon longitudinale, parce que c'est un travail qui doit continuer jusqu'en 2028, vous voyez, qui a commencé en 2016 et qui doit continuer jusqu'en 2028. On travaille sur 12 ans, voilà, 12 ans de protocole. On travaille sur 12 ans. 12 ans où on suit des cohortes de personnes et on voit l'évolution à la fois des mémoires individuelles, y compris, je le répète, chez des patients qui souffrent de troubles de stress post-traumatique. Et on met en relation, c'est tout l'intérêt, les fluctuations de ces mémoires. Alors à la fois chez des individus singuliers et puis de façon beaucoup plus collective, par exemple en fonction d'événements nouveaux. Alors les événements nouveaux, malheureusement, ça peut être d'autres attentats. Donc, je pense notamment à l'attentat de Nice qui avait eu lieu le 14 juillet 2016. Et puis d'autres événements très importants comme les procès, les grands procès qui ont eu lieu notamment l'année dernière. Pour le 13 novembre, ça a duré 8 mois, le verdict du procès. On mesure comme ça toutes ces vagues, tous ces impacts. Et puis également d'autres événements qui vont venir parfois mettre à l'arrière-plan la mémoire des attentats. Par exemple le Covid, le moment où la pandémie est extrêmement active. Bon, puis d'autres événements sociaux qui sont très importants. Donc on a ce jeu comme ça. Et ce qui est très important, c'est qu'on voit le retentissement de ces mémoires collectives sur les mémoires d'individus singuliers. Et ça nous permet vraiment de comprendre quelque chose qui est très important, à savoir que la voie de la résilience, c'est quelqu'un que l'on met sur un chemin où il est reconnu par les autres. Il est reconnu par ses proches, par sa famille, par ses amis, par ses collègues de travail, mais il est reconnu par la société tout entière. Et ça, c'est un message qui est, je pense, très important quand on s'intéresse et quand on travaille avec des personnes qui ont été, disons, qui se sont trouvées dans des événements aussi tragiques. Et c'est très important pour les cliniciens, mais je pense que c'est aussi important pour tout citoyen. En 2020, vos premiers résultats de l'étude Remember de ce programme 13 novembre sont parus dans la revue Science. Vous nous avez déjà parlé des résultats, mais est-ce que ces résultats nous permettent d'identifier de nouvelles pistes de traitement justement pour ces patients qui sont atteints de syndrome post-traumatique? Alors, il y a un certain nombre de traitements qui existent déjà. Et puis, ce travail qui a été publié dans Science, il met le doigt sur un mécanisme qui n'était pas connu, qui est le mécanisme de contrôle de la mémoire. à savoir que ce qui va dominer dans le trouble de stress post-traumatique et ce qui va dominer dans la fabrication et le maintien des intrusions, hein, qui sont les symptômes prédominants, eh bien, c'est un problème de contrôle de la mémoire. C'est-à-dire que les lobes frontaux, hein, les régions qui sont en avant du cerveau, ne jouent plus leur rôle pour contrôler des informations sensorielles, émotionnelles. C'est-à-dire que c'est une difficulté à inhiber ces informations qui surviennent de façon intempestive à la conscience des personnes qui en sont victimes. Et donc, ça, c'est potentiellement une piste nouvelle, complémentaire, des thérapies qui existent déjà. Pour continuer et pour finir, malheureusement, cette émission n'arrive à la fin, je voudrais quand même vous demander, parce qu'en ce moment, du point de vue de l'imagerie, vous travaillez sur l'ictus amnésique. Francis Eustache, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'ictus amnésique, c'est un peu autre chose, mais c'est aussi une pathologie qui est souvent en lien avec une émotion intense. Et c'est le fait d'une personne qui est souvent âgée entre 50 et 70 ans, qui va perdre la mémoire, mais pendant une période, d'où le nom d'ictus, hein, pendant une période courte, c'est quelques heures, c'est au plus 24 heures. Et puis ensuite, la personne va retrouver sa mémoire. Alors c'est uniquement la mémoire épisodique qui est concernée, à la fois la capacité à former de nouveaux souvenirs et puis également une partie des souvenirs du passé comme ça qui s'évapore pendant un moment donné, pendant quelques heures, et puis ensuite, généralement le lendemain après avoir passé une nuit à l'hôpital, la personne va bien avec en conservant malgré tout ce qu'on appelle une amnésie lacunaire du moment de l'ictus, parce que pendant cet ictus, la personne n'a rien mémorisé. Il n'y a pas de cause vraiment déclenchante évidente, en tout cas physique, mais ça peut être, par exemple, apprendre une mauvaise nouvelle ou être surpris par quelque chose, ça peut être une raison. Ça peut être une raison aussi plus physique, mais sans que ce soit un accident cérébral. Par exemple, des mouvements intenses, quelqu'un qui va se livrer à une activité physique très importante alors qu'il n'y est pas habitué, ça peut provoquer aussi cet ictus amnésique, voyez. Par contre, sa manifestation est toujours à peu près sur le même mode, c'est-à-dire que la personne se met à poser des questions, ce qu'on appelle les questions itératives. Par exemple, est-ce que j'ai rangé ma voiture ? Vous voyez, des questions aussi banales que ça. Et l'entourage se rend compte que la personne ne fixe plus du tout de souvenirs nouveaux. Et donc, ce que l'on fait dans ce cas-là, c'est rassurer les personnes, parce que c'est très stéréotypé, on sait que c'est pas grave. Donc il faut quand même faire quelques examens pour s'assurer que ce n'est pas autre chose, que ce n'est pas par exemple une crise d'épilepsie ou un accident vasculaire cérébral. Donc c'est important pour ça que la personne surtout voit un médecin et dans le cas possible aille aux urgences d'un hôpital avec les examens d'imagerie possibles. Mais c'est pas une situation qui est grave. Et ce n'est surtout pas le signe avant-coureur d'une maladie neurodégénérative. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un épisode amnésique ponctuel. Eh bien, merci Francis Eustache de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure et de nous avoir rafraîchi la mémoire. Et merci à vous pour votre écoute. Merci. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Eve Etienne, Nafi Terras. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique, aujourd'hui, Delphine Baudet. Merci également aux camarades de France Bleu en Normandie. Cette émission se podcast à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter @sciencecqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.